Comment Rousseau est-il devenu un transfuge de classe ? L'expression « transfuge de classe » ou « transclasse » s'est imposée récemment pour désigner les individus ayant connu un changement de milieu social au cours de leur vie. La plupart des récits autobiographiques publiés aujourd'hui par des transclasses présentent deux caractéristiques. Ils décrivent généralement une mobilité sociale ascendante et une trajectoire qui va du bas vers le haut sans retour vers le bas. L'histoire de Jean-Jacques Rousseau s'écarte de ce modèle parce qu'il offre un exemple rare mais éclairant d'un itinéraire à double sens. Issu d'une famille d'horlogers genevois, son enfance a été marquée par des lectures précoces de romans en compagnie de son père et par le deuil continuel de sa mère, morte des suites de son accouchement. Placé en apprentissage auprès d'un maître violent, Jean-Jacques quitta Genève pour se réfugier en France. Converti au catholicisme, il se plaça sous la protection de la baronne Françoise-Louise de Varins. La liaison qu'il noua avec cet aristocrate fut la première étape de son ascension sociale. À ses côtés, il put satisfaire son goût pour la lecture et écrire son premier recueil de poèmes. Rousseau a reconnu plus tard qu'il avait acquis à ce moment-là des goûts plus raffinés, le sens de la propreté et le soin de soi. La seconde étape de son itinéraire de transfuge débuta lorsque, dévoré par l'ambition, il décida de rejoindre la ville Lumière, ce qui lui permit de fréquenter un monde intellectuel en pleine ébullition. C'est en 1750 qu'il atteignit la célébrité grâce à son discours sur les sciences et les arts. Deux ans plus tard, son opéra intitulé « Le Devin » représenté devant la cour à Fontainebleau enthousiasma le roi. Cette réussite fulgurante confronta Rousseau à l'un des problèmes principaux qu'évoquent nos actuels transfuges de classe, la honte des origines. Terriblement gaffeur, lent et balourd, Jean-Jacques n'avait pas acquis l'habitus, c'est-à-dire les dispositions intériorisées dès la petite enfance, nécessaires pour s'intégrer dans le beau monde. Moqué pour sa gaucherie et sa lenteur, il prit conscience qu'il serait toujours un étranger au royaume de France, ce qui le décida à fuir les salons pour rebrousser chemin. Étant donné qu'un auteur brillant devait faire de l'esprit pour séduire un public mondain, Rousseau refusa ce titre et revendiqua le statut d'artisan. « Cet état d'artisan est le mien, celui dans lequel je suis né, dans lequel j'aurais dû vivre et que je n'ai quitté que pour mon malheur. » Il s'installa alors à la campagne et décida qu'il gagnerait sa vie en copiant de la musique. Rousseau continua néanmoins à écrire et conserva des liens avec des aristocrates. Mais sa rupture avec une élite dont il avait passionnément voulu faire partie le condamna à une vie errante. Accablé par Voltaire et par ses anciens amis, l'auteur du Contrat social et de l'Émile fut condamné par les autorités et dut fuir la France. Pourtant, malgré tous ses malheurs, Rousseau fut sans doute le premier exemple d'un déclassement réussi. Sa rupture avec l'élite des salons contribua en effet à son immense notoriété en lui permettant de toucher un auditoire beaucoup plus vaste qu'il fut le premier à appeler l'opinion publique.